Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. Paul Courtemèche ? Oui. Oui, c'est moi. Vous avez un chat ? Oui, oui, en effet. Vous ne l'entendez pas ? Vous aussi, d'ailleurs, il semble se connaître tous les deux, non ? Sort-il de votre appartement, votre chat ? Non, jamais. Jamais ? Jamais. Alors, comment expliquez-vous que ma chatte et lui se connaissent ? Vous ne l'auriez pas laissé sortir, comme ça, par hasard, il y a environ 2 mois ? Non, non. Même lorsque votre macho m'a tout seul à monter à fendre l'âme vers les 3 heures du matin, empêchant tout l'immeuble de dormir. Ben... C'est ce que je pensais. Malotru, goujat, mal. Ça va, mon très cher monsieur? Vous avez vu? Oui, je l'avoue. Constatant que vous aviez du monde, je me suis fait discret et n'ai pas osé interrompre. Ah, vous auriez dû. Il ne vous a pas manqué. C'est douloureux. Ça chauffe. Oui, j'imagine. Votre joue est toute rouge. Vous la connaissez? Non, jamais vu. Je crois qu'elle habite votre immeuble. C'est possible. Avec vos tournées, vous connaissez mes voisins mieux que moi. Je ne sors pas beaucoup, vous savez. Vous devriez mettre une compresse là-dessus. Mon doux, monsieur Courtemèche. Que vous est-il arrivé? Vous avez la joue toute rouge. Une dame vient de le gifler. Une dame, dites-vous? Quelle dame? Une voisine d'en haut, je crois. Que lui avez-vous fait, monsieur Courtemèche? C'est une bonne question, ça. Que lui avez-vous fait, mon très cher monsieur? Vraiment. Comment voulez-vous que je le sache? Je ne l'avais jamais vu, moi, avant cet épisode douloureux. Jamais? C'est ce qu'il affirme, ma bien chère dame. Salut, mon Polo! Comment vas-tu? Moi, j'ai une pêche de... Oh là là! Et tu fais de la fièvre? Tu as la joue toute rouge! Imaginez-vous, cher ami, qu'il a été giflé par une dame. Vous ne me dites pas! Giflé par une dame? Ce n'est pas vous qui gifleriez ainsi un pauvre type comme notre Polo ici présent, n'est-ce pas, chère Artémise? Certes non, cher ami. Vous avez beaucoup trop de classe pour ce faire. Cher ami... Pourquoi t'a-t-elle giflé, mon Polo? On l'ignore. Voilà qui est étrange. Certes. Ça, c'est sûr. On ne gifle pas ainsi les gens gratuitement. Tu as dû l'insulter ou essayer de la crouser à un moment ou un autre. Il affirme ne la connaître ni d'Ève ni d'Adam. C'est douteux. N'est-ce pas? D'autant qu'elle habite cet immeuble. Non. Ah si, si. Là-haut, je crois. Mais puisque je vous dis que je ne l'avais jamais vue avant ce jour. Mais elle a bien dû dire quelque chose avant de balancer une barre. Sûrement. Comme vous le disiez, cher ami, on ne gifle pas ainsi les gens sans raison. Elle lui a demandé s'il avait un chat. Un chat? Ça se précise. Mais encore? Elle lui a demandé s'il le laissait sortir de son appartement. Mais tu as répondu non, j'imagine, mon Polo. Il lui a répondu non, en effet. Et ensuite? Elle a insisté, lui a précisé une certaine nuit où son chat avait empêché tous les meubles de dormir. Je me souviens vaguement. Vous pensiez votre chat au seuil de la mort, monsieur Courtemèche? Oui, oui, je m'en souviens. Vous lui demandiez si nous savions de quoi il était atteint. Mais ça me revient, là. J'étais très inquiet, mais ça n'explique toujours pas la gifle, ça. Non, en effet. À moins que... Out in white dress, queen of the moon, sweet angel, flying on a cloud, worrying about are you a friend? Weakness, of a plane, a smile in the sky. When I ask you why, you stop the rain. Light, light, light, light, light of the soul. Of the heart, you feel, you feel, you smart. Love him, the fool. Whoa, trust. Affection, out in wetness, queen of the moon, a sweet angel, flying on a cloud, worrying about, and you are a friend. Hey, whoa, crossing the street, I saw the light, deep in the lake, the red light, my home is my. Out in my dress, a queen of the moon, a sweet angel, flying on a cloud, a roaring about, and you every friend. Way, whoa. D'où Jésus? Qu'est-ce que c'était que ça? Le voisin du dessous. Il testait son matériel, il est disjockey. Oh, il a fait jouer Baby Doon de Christian Martin, interprété par Kael. Mais où en étions-nous? Salut the company! Qu'est-ce que c'est que se passe ici? Ah, jeez, mon vieil, t'es-tu fait donner une claque? Ton joue, il est tout rouge. Dans le mille. Comment avez-vous deviné? Il est fort, ce monsieur Mac. Well, c'est pas mal obvious. On voit encore toutes les doigts sur son joue. Ah, tiens! C'est vrai, je n'avais pas remarqué. C'est une fille qui t'a fait ça, hein, mon vieil? Comment le savez-vous? La grosseur du doigt pis des mains. Pis, qu'est-ce que c'est qu'à vous là? Nous l'ignorons. Mais il semble que ça ait un rapport avec son chat. The card? How come? Ben, tu te souviens quand, il y a un peu plus de 2 mois, pis quand c'était lamenté une partie de la nuit que je le croyais agonisant? Sure, tu avais fâché la pépère. Et au fait, you sick, sick, sick, qui est lui un matin? On ne l'a pas encore vu. Cette absence est inquiétante. Lui, habituellement, toujours aux premières loges. Serait-il malade? Ça m'étonnerait. À cette heure-ci, il doit être en train de tricoter avec ma mère. Il tricote, ton voisin? Tous les matins, quand ma mère est en forme. Comme il l'a dit lui-même... C'est pas parce qu'il a donné sa voiture... Oh! C'est ça qu'il appelle tricoter? Sacré pépère! Tu disais, mon vieil, là, que ton attaquant t'avait parlé de la nuit, you sick, sick, sick, tu pensais là, que ta Picard, il était beaucoup malade. Ah, oui, oui, en effet. Elle a fait référence à cette nuit-là. Ouais. Juste avant de le traiter de goujat. Elle l'a traité de goujat? Si, si, de goujat. Puis de malotru et de mal. Pas de mal! Si, si, mais j'avoue être un peu confus à ce sujet. Je ne vois pas où est l'insulte dans ce mot. Croyez-moi, pour ce genre de femme, mal est la pire des insultes. Ah, parce que vous le dites, ma belle chère dame. Et ensuite, que s'est-il passé? Elle a pris son élan et... paf! Pas paf! Oui, oui, oui. Un paf tout à fait retentissant et sans doute douloureux. C'était la première fois que je voyais ça. Paf! Je connais d'expérience des boing, des bang et des crunch. Mais je n'ai jamais reçu de paf. Vous voulez que je vous arrange ça, témoin? Non. Ce ne sera pas nécessaire, mon très cher monsieur. Il commence à être tard pour te claquer à la face de cause d'une nuit de 2 mois passés, mon vieil. Hé, tout le monde est dit. Encore le voisin des jockeys? Oui, encore lui en effet. Cette fois, il nous imposait Here de Christian Martin, interprété par le Newport Orchestra. Pas, sway. Je suis là, va falloir vivre cause dans le casque, bateau. Sa musique de fou dérange ma mère quand elle tricote. Bon, ouais, qu'est-ce que je disais, là? Vous vous étonniez de nous voir tous ici? Ouais, mais c'est pas ça. Je venais emprunter des pickles. Eh, bon, sway, mon jeune. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es cogné dans la porte du frigidaire? Non, et il a été giflé, imaginez-vous. Par une dame? Si l'on peut appeler ainsi une telle harpie. Paf! Une harpie, t'as dit, Maron? Elle avait l'air de quoi, cette harpie-là, pour vrai? Je ne l'ai point vue. Heureusement pour elle, d'ailleurs, j'aurais été capable de lui arracher les yeux. Imaginez, gifler ainsi ce pauvre Monsieur Courtemèche. Une honte! Et toi, le radio? Désolé, Monsieur Pepper, je ne l'ai pas vu non plus. En anglais? Sorry. On te casse? Ben... Je l'ai vu bien vite, vous savez. Attendez voir. Petite, cheveux noirs, teint foncé, grande bouche, aucun maquillage, yeux bruns, poitrine généreuse, légèrement ronquette. Mais comme je vous dis, je ne l'ai qu'entreaperçue. Et pas ouais, mon casse! Elle t'a tombé dans l'œil ou quoi? Monsieur Pépère, que dites-vous là? Moi, un humble apôtre de Malvina. Je dois avouer que votre description est étonnante, témoin. Comment l'expliquez-vous? Oh, ça, c'est l'entraînement. À la vitesse où les portes se referment habituellement sur nous, on apprend à observer rapidement et en détail, histoire de ménager nos dents et nos gros orteils. Tout s'explique. Oh, not really. Ah, en effet. Je sais toujours pas pourquoi il m'a giflé, moi. Ah, ça, je sais pas trop. Mais cette harpie-là, comme tu dis, Maron, elle ressemble pas mal à la petite Sophie là, qui reste au cinquième. Elle a un méchant beau minou. Pépère! Si. Je crois que notre ami Polo a l'esprit quelque peu mal tourné. Toutefois, j'avoue être intrigué. Moi, pitou. Oh, les hommes! J'en témoigne. Elle possède en effet une très belle chatte. Vous m'étonnez, témoin. Vous l'avez entreaperçu lors d'une de vos tournées? Mais non! Elle l'avait dans les bras au moment de gifler notre très cher monsieur. D'ailleurs, son picard semblait la trouver bien de son goût. Vous ne l'avez pas remarqué, mon très cher monsieur? Ben, maintenant que vous le dites, la gifle me l'avait complètement sorti de l'idée. Un gros chat blanc angora. Ah, c'est ça, mon hun! Un gros minou blanc plein de poils! Un chat, you say? En effet. Je pense que je commence à comprendre. Je voudrais bien qu'on m'explique. Un méchant azar, pareil, mon hun. Je l'ai rencontré l'autre jour, par des dividendes. Qui ça? La chatte? Non, le radio. La petite Sophie, voyons. Comme ça fait un bout de temps que je reste dans le bloc, elle m'a posé toutes sortes de questions. Quel genre de questions? Il y avait des lacataigues, il y avait des chevaux. Bien sûr, j'ai parlé de toi, mon hun. Pis de ton picard. À part elle, t'es tout seul à avoir un chat en place. Mais encore? J'allais le dire. Elle voulait savoir si c'était passé un truc bizarre il y a une couple de mois que ton picard. Bizarre comment, que je lui ai demandé. Bizarre du genre que picard, il se serait, comme tu dirais, mis à hurler comme s'il se serait pogné de la minounerie dans le zipper. C'est pas le mot qu'elle a pris, mais c'est ça qu'elle voulait dire. Pis là, je me suis souvenu de la nuit où il nous avait tenu réveillés, ma mère pis moi, à partir de 3h du matin, pis que ma mère avait bien failli me divorcer. Tu te souviens, mon vieil? Je t'avais dit qu'il y avait une chatte en chaleur autour et que ton Picard y était amoureuse. T'avais le choix entre le laisser sortir ou chop-chop. Ouais, je me souviens. Ben, qu'est-ce que c'est que t'as choisi, mon vieil? Pas chop-chop, hein? Non, pas chop-chop. C'est pour ça le claque dans ton face, mon vieil. Tu veux dire... Yep! Picard, il est un papa! Les éditions de l'avenir vous ont présenté le PC Show avec Paul Courtemèche. Vos interprètes, Carole Bassani dans le rôle de Madame Poudon, Gabriel Jean dans les rôles de Mac, de Pépère et de l'Annonceur, Mooney dans le rôle de Sophie et Christian Martin dans les rôles de Paul Courtemèche et du témoin. Le texte et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial, No Derivatives et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenirradio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.